pas la plus jolie. Qu'importe une fois que c'est cuit. Tu me manquais, là, du pognon. Pour lui se marier, c'était pas con. L'Andru choisit Marie Cucu. L'Andru les aime pas cru. L'Andru choisit Marie Cucu. L'Andru les aime pas cru. Si ce mec l'avait